invité. Vendredi, les vendredis de la philosophie par François Noudelman. Aujourd'hui, une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour à tous, bienvenue dans Une vie, une œuvre, et c'est sans transition par rapport à la semaine dernière où nous évoquions la figure de Bob Marley que nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à Michel de Montaigne. Comment est-ce que d'évoquer en une heure seulement la figure de cette référence centrale de la littérature française, même si l'on en étudie à l'école un certain nombre d'aspects. Montaigne inconsolable après la mort de la tour de son château près de Bordeaux, Montaigne s'étudiant lui-même pour mieux se préparer à mourir, autant d'images qui ont longtemps contribué à ne voir dans l'auteur des essais qu'un pur esprit, un philosophe sceptique et mélancoléiste que Christine Le Cerf a choisi d'évoquer aujourd'hui. Dans le portrait tout en couleur d'un homme à la face changeante et auteur d'une œuvre étonnamment bigarrée, une émission réalisée aujourd'hui. Chez moi, je séjourne le plus souvent en ma bibliothèque, d'où facilement je commande ma maison. Je fais voir sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour. Et dans la plupart des parties de ma maison, là je feuillette à 7 heures un livre, à 7 heures un autre. Décousu. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. J'ai le rêve qu'on arrive à faire lire Montaigne à tous les jeunes gens et jeunes filles des écoles en exorcisant la crainte de promenade et deuxièmement la crainte qu'ils ont de ne pas comprendre. Donc à mettre dans toutes les mains, absolument toutes les mains. Par petits bouts, par fragments, parce que je trouve que c'est là qu'on apprécie le mieux la densité de son discours. Et plus on lit Montaigne, bien sûr, plus les pages finalement résonnent. Hein. Donc lire une page de Montaigne aussi, à partir du moment où on le connaît, c'est aussi une invitation à aller ailleurs. Hein. Et finalement, donc ces sauts et ces gambades qu'il a faites, à partir du moment où on est un lecteur. Je m'aperçois en le relisant, au bout de 40 ans, que je croyais avoir compris et que 40 ans plus tard, je trouve que la phrase que je suis en train de dire, que j'avais lue, elle peut avoir un autre sens. J'aime bien « Les autres forment l'homme, je le récite ». J'aime bien cette idée de récitation, hein, de ce Montaigne justement un peu poète. Condition, mais la dire de manière non dogmatique et à la limite poétique, hein, dans cette magnifique prose d'art, hein, qui s'est maniée. Son père l'avait voulu ainsi. Chaque matin, son fils s'éveillerait au son d'une douce musique et il apprendrait le latin sans larmes. Montaigne avait gardé de cette éducation libérale un esprit vif et ondoyant, totalement rétif à toute forme de contrainte et d'assujettissement. À l'âge de 37 ans, alors que les guerres de religion déchirent le royaume de France et qu'il vient de perdre son ami le plus cher, Montaigne opte pour une vie nouvelle. Il s'aménage ce qu'il appelle son arrière-boutique, un espace bien à lui pour lire, penser et écrire l'homme autrement. Au thé buissonné pendant plus de 20 ans, Montaigne nous a légué de splendides broussailles où chacun peut encore aujourd'hui y tracer la forme de son humaine condition. Comme lui, ni méthode, sans artifice ni contention, quelques diligents lecteurs ont accepté de feuilleter en notre compagnie les essais que voici. Car, comme disait Montaigne, à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent, et en quelque façon, timide, insolent, chaste, luxurieux, bavard, taciturne, là, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, véritable, savant, ignorant et prodigue. Tout cela, je le vois en moi aucunement selon que je me vis, et quiconque s'étudie bien attentivement trouve en soi, et même cette volubilité et discordance. Je n'ai rien à dire de moi, entièrement, simplement, et seule confusion, et sans mélange, ni en un mot. Alors j'aimerais, Jean-Yves Pouilloux, de vous essayer à votre tour de peindre Montaigne. Oui. Est-ce que ça serait un portrait en noir et blanc comme les habits de tradition? Il aimait bien porter des habits noirs et blancs, mais d'après l'image que je m'en fais, c'est plutôt coloré la vie autour. C'est-à-dire qu'il y a de la gourmandise, il y a de l'austérité aussi, il y a beaucoup d'échanges avec des personnes très très diverses, et des combats militaires, et aussi une retraite studieuse, déployer le terme avec lequel il désigne sa bibliothèque. Et ce serait un portrait d'intérieur ou d'extérieur ? Il dit en tout cas qu'il adore être à cheval et qu'il peut voyager sans que ça lui fasse trop mal aux fesses. Et il le fait. C'est comme ça qu'il va en Italie et qu'il en revient. Et c'est un voyage immense si on y pense. Et je crois qu'il y a un accident extraordinaire qu'il raconte aussi. Mais cette posture à cheval, pour moi, elle est emblématique de Montaigne. Elle est emblématique parce qu'elle concilie deux choses qui est l'immobilité. Je suis assis sur le cheval, et l'autre qui est le mouvement. C'est-à-dire que bien que je ne bouge pas, le cheval bouge, et moi avec le cheval. C'est ce qui s'appelle l'assiette à cheval. Et Montaigne a une bonne assiette. Et il me semble que dans le désir qu'il a d'épouser les mutations, les changements, tout en ne se trahissant de l'homme à cheval, qui est permanent, je dirais. Et alors, il serait seul ou en compagnie? Il dit qu'il préférerait perdre la vue plutôt que l'ouïe et le parler, c'est-à-dire plaisante s'il n'a une personne à qui la communiquer. Autrement dit, je l'imagine toujours en compagnie, même si on a une image de Montaigne solitaire. L'un des plus beaux essais qu'il ait écrit, ça s'appelle « L'art de conférer », c'est dans le livre 3. Et l'art de conférer, ça n'est pas comme on l'a traduit un peu abusivement en le tirant du côté du XVIIe siècle. Non, c'est en fait l'art d'avoir un échange humain. Et alors, est-ce qu'il y aurait des choses en haut et des choses en bas? C'est très compliqué comme question. Non, le haut et le bas pour Montaigne sont des catégories qui sont assez invalides, qui ne valent pas très fort. Il me semble que c'est qu'il aspire à être le plus bas possible. Il parle de la bassesse, il parle, etc., pour lutter contre la présomption constante, pour lutter contre ce, comme il dit, cycle de Mercure, c'est-à-dire qui élabore des théories sur la constitution de l'univers, sur Dieu, etc., etc. Parce qu'au moins, quand on est terre à terre, on est humble, ce qui est aussi à terre, c'est-à-dire qu'on risque pas trop de se casser la figure, de tomber de haut. Donc j'enlèverai le haut, si vous voulez bien. Faire bien l'homme et dûment, comme il dit, cible. Et l'image de la sagesse qu'il donne, c'est quand même très nettement, en dehors de Socrate, qui est un modèle ancien, et disparu depuis bien longtemps, ce sont les de lui et qui n'ont pas la prétention de connaître, de savoir, qui ne s'arrogent pas la domination sur le langage, et ni sur les autres, bien sûr. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir, et quand je me promène, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude. Nature a maternellement observé cela, que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses, et nous y convient non seulement par la raison. C'est injustice de corrompre ces règles. Composer nos mœurs est notre office, non pas composer des livres. Et gagner, non pas des batailles, tranquillité à notre conduite. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos. J'en sais rien, parce qu'on sait rien du tout de sa carrière d'étudiant, si je peux dire. Mais jouisseur, certainement. Jean-Yves Pouilloux. À condition, depuis très très longtemps, sur ce qu'on appelle l'hédonisme, ou ce qu'on appelle l'épicurisme, des vues qui sont très très mal fondées. Et les plaisirs naturels et nécessaires, qui sont les seuls qu'il recommande, c'est boire, manger, dormir. C'est-à-dire que c'est pas du tout l'image du plaisir tel que nous la faisons. Vivre, c'est être présent à soi dans le moment que je vis. Et il n'y a pas de plus grand bonheur. un homme d'action. D'action, certainement, même s'il ne se vante pas trop de ça. Encore faut, bon, ne serait-ce que les deux mairies de Bordeaux. Il a été maire de Bordeaux pendant deux mandatures du XVIe siècle. C'est quand même une grosse ville. C'est une ville qui est située dans un lieu assez conflictuel, puisque c'est vraiment à la limite de la frontière entre les protestants et les royalistes légitimes, si je peux dire. Donc il faut avoir une capacité d'homme d'action pour mettre tout ça en paix. Montaigne s'est trouvé par les liens qui, à la mort d'Henri III, est devenu l'héritier présomptif de la couronne de France et qui était protestant, comme tout le monde sait, il s'est trouvé dans une position de négociateur potentiel. Une tentative pour empêcher le royaume de sombrer dans la guerre civile encore plus qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. Donc homme d'action, certainement. Et réservé, je dirais oui. Il y a un chapitre qui ouvre le livre 3 qui s'appelle « De l'utile et de l'honnête » dans lequel Montaigne dit « trahir pas ». C'est-à-dire que j'irai accompagner la démarche des princes qui nous gouvernent, mais jusqu'à ma conscience exclusive. C'est-à-dire que il dit « sera Pomponius Flaccus qui voudra, pas moi ». Un vieillard serein. C'est un adjectif qui me fait toujours un peu peur parce que ça me fait penser au serin, c'est-à-dire au nigaud et à l'oiseau. Serein, oui, mais il faut bien comprendre, enfin, il faut bien entrer dans... Je voudrais revenir, quand je danse, vous vous rappelez, quand je dors, etc. La sérénité, c'est vivre à propos, c'est-à-dire ne pas attendre plus que ce qu'on peut espérer. C'est des années à essayer de se durcir avec des maximes philosophiques sur la résistance à la peur de la mort, etc. Petit à petit, Montaigne se rend compte de la vie. Et ça, c'est une vieille notion chrétienne, une vieille notion qui est très, très défendue et, à mon avis, très malheureuse. La mort, c'est le bout de la vie, dit-il, et non pas le but. Et tout d'un coup, ça transforme tout le rapport à l'existence. Moi qui m'épie de plus près, incessamment tendu vers moi. Moi, celui qui n'a pas fort affaire ailleurs, à peine oserais-je dire la vanité et la faiblesse que je trouve chez moi stable et si fragile. Je le trouve si aisé à ébranler, et si prêt au mouvement, et ma vue, si déréglée, en autre qu'après le repas. Si ma santé me rit et la clarté d'un beau jour, me voilà honnête homme. Si j'ai un corps qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné. En mes écrits même, je ne retrouve pas toujours l'air de ma première idée. Je ne sais ce que j'ai voulu dire, à corriger, et y mettre un nouveau sens pour avoir perdu le premier qui valait mieux. Je ne fais qu'aller et venir. Mon jugement ne tire pas toujours avant, il flotte comme un fragile navire que surprend la mer en furie. Qualifier Montaigne de père encombrant de l'essai. Non, c'est très juste. L'essai, justement, ça n'est pas un genre comme les autres, ou plutôt ça n'est pas un nom de genre. Et ce nom a son livre, donc c'est un nom de livre, c'est une sorte de nom propre, qui lui est propre, pour lequel il a choisi une métaphore, une image juste, adéquate, classer son livre dans des formes préexistantes. Donc c'est une sorte de baptême, l'essai est né avec Montaigne, a été en quelque sorte comblé, dès le début, par la justesse, par la beauté de son livre. Le genre est né à son sommet, il a été entièrement balisé. Montaigne a couvert l'ensemble des possibles de l'essai. Alors, encombrant à ce titre-là, puisque c'est qu'un genre naisse à son sommet, et qu'ensuite les essayistes soient comme des sortes de fils qui doivent être à la fois fidèles et infidèles à leur père, qui doivent se raccrocher à être eux-mêmes aussi, puisque c'est ça un essai. Il s'agit de s'individuer par une forme, par une réflexion stylisée. Vous dites aussi de l'essai qu'il a un certain rythme, va trop vite ou trop lentement, il risque de tomber. Oui, je le comparais à un cycliste qui doit parvenir à une certaine allure pour tenir debout. Cette question du rythme, à l'héritage de Montaigne, enfin à la couleur du texte des essais auquel on peut aujourd'hui, je crois, être sensible. Le rythme de l'essai, c'est l'essayiste de trouver un équilibre entre tout ce qui vient nourrir ou même parasiter sa réflexion et qui rend son écriture tout à fait hétérogène, ouverte, la mémoire de sa propre expérience. Il y a une sorte de désordre comme ça qui doit être équilibré par la capacité dans laquelle se met l'essayiste de trouver à se disposer dans une démarche, dans une conduite. C'est une question très, très belle et très présente chez Montaigne. C'est ce qu'il appelle l'assiette de sa réflexion. Et l'essai se distingue des entreprises savantes ou sérieuses par ce va-et-vient fluide et parfois agaçant, parfois il y a son de s'apesantir, là encore l'image est de Montaigne, sur les choses, de passer beaucoup de temps sur un petit objet, et puis une vitesse, une capacité à bondir d'un coup de rein, conclure et à passer à autre chose, qui justement fait le tempo, le souffle propre du texte essayiste. Dans l'un de vos essais, Pierre Paché, qui s'intitule les baromètres de l'art, rendu possible, non pas les essais, mais le journal intime. Oui, enfin, il n'a pas tenu à proprement parler de journal intime, Montaigne, ni même de journal, sauf un d'ailleurs tout à fait passionnant, mais il a un regard sur lui-même et sur l'instabilité de ses pensées, qui est certainement une éclosion du genre du journal intime tel que je le définis à la fin du 18e, début 19e siècle, qui suppose ce respect pour l'instabilité. Montaigne le dit souvent, enfin ce qu'on interprète du point de vue philosophique comme son scepticisme, c'est la conscience très aiguë qu'il a de l'instabilité de ses opinions qui tiennent au hasard aussi, au fait que la vie mentale est essentiellement instable, elle dépend des accidents intérieurs et des accidents extérieurs. Je pense qu'il y a bien une contiguïté, peut-être même un recouvrement de l'essai par le journal intime. L'essai suppose cette attention à soi qui est harmonique parce que ce qu'elle rend possible, c'est de s'intéresser à la pensée des autres dans ce qu'elle a précisément, elle aussi, d'accidentel, d'aléapné, de pas fixer d'avance. De la présomption. Mes ouvrages, il s'en faut tant qu'il me rit, me tâte. Autant de fois, je m'en dépite. Quand je me relis, j'ai honte de ce que j'ai écrit, et j'y vois bien des choses que... J'ai toujours une idée en l'âme, qui me présente une meilleure forme que celle que j'ai mise en besogne, exploitée. Tout est grossier chez moi. Il y a faute de polissure et de beauté. Je ne sais faire valoir les choses pour le... Ma façon n'aide rien à la matière. Je ne sais ni plaire, ni réjouir, ni chatouiller. Le meilleur conte du... Et se ternit. Je désire me montrer bref et on devient obscur. Il y a un aspect... Les essais qu'on les consulte dans des éditions diverses, des graphies diverses, avec des notes ou pas des notes. Et l'hétéroclite, c'est l'entassement, c'est l'empilement, le fouillis, c'est la coexistence entre des pensées, même des langues. Et il me semble qu'un des termes que Montaigne emploie le plus souvent, qui n'a plus aujourd'hui le même sens que pour lui, c'est le mot de grotesque. Il parle de grotesque. Et quand il parle de grotesque, il parle d'un élément stylistique qui avait un sens à son époque, qui avait été découvert en Italie, qui était justement fondé sur la multiplication des ornements, sur quelque chose. Il emploie ce mot grotesque d'une façon certainement exagérée, parce que en réalité, il y a une très grande pureté de trait chez lui. Mais pour y accéder, il faut passer à travers ce taillis des ajouts, des allongeailles, comme il dit. Et à ça, je suis extrêmement sensible, à cette réalité d'un texte qui, quelquefois surabondante ou touffue, mais qui possède une unité, mais en quelque sorte une unité à venir, une forme qui n'a pas été donnée au dé. Ce qui nous apparaît à nous comme une forme, mais qui était pour lui le rejet des formes. D'ailleurs, y compris le rejet de la forme de livre, parce que même s'il arrive à Montaigne, chez lui, le mot livre peut avoir le sens de livre de raison, enfin le livre qu'on tient pour tenir compte de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on a vécu, ou de ce qu'on a pensé, mais souvent il se décrit comme... Et le refus du livre est aussi l'invention de cette forme qui n'est pas donnée d'avance, qui a à se déterminer à partir de ce qu'on donne de plus authentique, de plus respectueux. Autrement dit, et ça c'est une chose à mon avis fondamentale, il enregistre ce qu'il constate de ses propres changements. Jean-Yves Pouilloux. Montaigne a cette haine d'attention à lui-même qui fait qu'il ne l'oublie pas. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que écrivant les essais, il faut quand même constater qu'il a écrit les essais pendant 1571-1592. Et que pendant ces 20 ans, il a certes quelquefois rayé un bout de phrase parce que c'était maladroit, ça lui paraissait maladroit. C'est-à-dire qu'il a gardé ce qui était le témoignage de quelque chose qu'il avait pensé 20 ans avant. Et qui nécessairement n'était plus ce qu'il pensait. Qu'il avait changé lui-même. De lui-même. En fait, il l'enregistre dans les essais. Et c'est pour ça que l'édition, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Villet, qui a fait la première grande, enfin, l'une des premières grandes éditions tout début du 20e siècle. Il a séparé la couche, comme on dit, de 1580, la couche de 1588, c'est-à-dire la deuxième, en fait, la troisième édition de 1580, qui ont été réunies dans l'exemplaire dit de Bordeaux en 1592. Et on a la trace du travail d'enregistrement des mutations. Quelqu'un n'est pas répudié quelque chose qu'il avait dit ou pensé avant au nom d'une pensée actuelle qui serait probablement plus vraie. Justement, qui me semble particulièrement touchante, c'est la question de la forme maîtresse. Marielle Massé. Montaigne disant que si chacun s'écoute, il peut trouver au total une forme maîtresse et que c'est selon cette forme qu'on est invité à vivre. Donc à travers la question morale du repentir, est-ce qu'on doit revenir maîtriser sa capacité à la vertu? Montaigne tourne autour de cette question de la forme que chacun doit accepter d'avoir, de la façon dont il s'est disposé, dont il s'est présent, ou dont il s'est redisposé, libéré. Montaigne dit d'abord que, alors c'est la phrase que tout le monde cite à propos des essais, à propos de Montaigne, hein, mais une condition, et tout le monde interprète gaiement, selon les valeurs de l'école laïque et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'un homme vaut tous les hommes, un homme vaut tous les hommes. Mais qui est contredit par beaucoup de passages des essais dans lesquels, par exemple, Montaigne dit... Je renchérirais volontiers sur Plutarque en disant à un autre que d'un homme à une bête. Une phrase assez choquante de la part de celui qu'on appelle un des piliers de l'humanisme. Donc il est conseillé de chercher si ça pourrait pas avoir un autre sens. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Et j'en propose un, c'est qu'en fait, chaque homme, la forme, c'est-à-dire la condition dans laquelle vit l'humanité. Qu'est-ce que c'est cette condition? Cette condition, c'est l'être mortel, des êtres mortels. Autrement dit, et c'est ce sur quoi s'achève l'apologie de Raymond de Sebon, nous sommes non pas dans l'être, mais dans le devenir. Nous apparus, nous sommes provisoirement, et bientôt nous ne serons plus. C'est ça la condition humaine. Nous ne sommes pas dans la stabilité, dans l'immuabilité. Je le raconte. Et on voit bien la différence entre ce qui serait une forme intemporelle et ce qui est un récit événementiel, un récit d'âge. Que le professeur fasse tout examiner à son élève et ne le laisse rien loger en sa tête par simple accrédit. Que les principes d'Aristote ne lui soient principes non plus que ceux des stoïciens ou des épicuriens. Qu'on lui propose, cette il choisira, s'il peut. Sinon, il en demeurera en doute. Et comme à savoir, disait Dante, les abeilles pilotent de ça, de là, les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur, et n'est plus ainsi les pièces empruntées d'autrui. Il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude, qu'il cache tout ce dont il a été secouru et ne produise que ce qu'il en a fait. Si l'on rentre un peu plus dans le détail même de ce livre OVNI dans l'histoire de la littérature, mal jointe. Oui. C'est-à-dire que ce livre n'est pas fait de plusieurs livres qui s'ajoutent. Oui. C'est aussi un patchwork de fragments hétéroclites cousus plus ou moins bien les uns avec les autres. Oui. Bon, Montaigne vit à une épure. Est a priori une littérature d'imitation. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas la création littéraire sans un texte initial, sans une source, si vous voulez, sans une source d'inspiration. Donc, c'est-à-dire que dans le régime est celui de l'imitation. Michel Magnin. Donc, ce que Montaigne va donc constituer, c'est une œuvre, de penseur, bien sûr, mais de penseur. Les essais, c'est à la fois donc un recueil de sentences, comme l'ont lu certains contemporains, comme son contemporain et ami Étienne Pasquier, qui dit que c'est le même que les sentences que l'on peut lire chez les auteurs antiques, mais c'est aussi finalement une œuvre de lecteurs et de lecteurs qui goûtent avant tout la poésie. Dans un passage célèbre, il dit « Je ne lutte point avec ces vieux gens par sa langue française, il ne prétend pas pouvoir arriver à ce degré de beauté, d'intensité, d'incandescence de poètes aussi prestigieux que Virgile, Horace ou bien... » Donc, on est bien là face à un livre disparate, hétérogène, qui est fait donc d'une accumulation de réflexions personnelles, mais surtout très profondes, qu'on appelle à la Renaissance d'excerpta, de notes de lecture, qui finalement se retrouver dans la chair même des essais. Alors ce côté lié et en même temps fluide, on le retrouve aussi dans sa phrase même. Oui. Vous êtes penché assez longuement sur son style. Oui. Bon, le fameux Montaigne, c'est l'homme qui, finalement, là encore, en rupture avec la tradition de l'école, puisque j'évoquais tout à l'heure cette littérature d'imitation. Il faut savoir que le grand modèle dans tous les collèges, et Marc Fumaroli et bien sûr le modèle rhétorique à la Renaissance, le grand modèle, c'est Cicéron. Donc il faut s'exprimer dans une langue harmonieuse, ample, très structurée syntaxiquement. Or Montaigne, lui, rompt avec la rhétorique cicéronienne et prône au contraire une parole vive, une parole qu'on appelle coupée, non plaideresque, qui n'est pas celui des plaideurs, non fratesque, qui n'est pas celui des frères, mais un style qu'il appelle finalement soldatesque. Il veut un style à la manière tout à fait délibérée. Montaigne fait jouer César contre Cicéron. César qui est l'homme d'action, qui a un style bref, puisqu'il faut agir plutôt que parler, et au contraire, on le dit d'ailleurs dans l'argot moderne, Cicéron qui est toujours rejeté du côté de la logorée inutile, du côté de la rhétorique. J'adore lire Montaigne, et en particulier dans des éditions qui ont la graphie, l'orthographe qui est la sienne, parce que ça crée une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître... les mots français, il écrit le français, c'est un français un peu particulier, avec les mots français derrière, ce qui a quelquefois d'un peu hérissé dans cette graphie du XVIe siècle. Et une fois qu'on l'a reconnu, alors il y a d'autres livres qui n'existent plus, qu'il faut reconnaître dans leur sens d'époque, il faut avoir recours à des lexiques, il faut réfléchir justement, il faut ressaisir son propos. Mais une fois qu'on l'a proximité vraiment très très forte, peut-être d'autant plus forte qu'il y a eu tous ces obstacles à surmonter. Et alors, une fois qu'on entre en relation avec cette parole, là, il y a un élément qui, pour moi, est essentiel chez Montaigne, c'est son côté français. Parce que, par exemple, je me sens très touché de Robert Musil. C'est un essayiste qui me touche beaucoup. D'abord, c'est une intelligence prodigieuse, c'est une sensualité de la pensée aussi. Et puis, c'est plus que l'essayisme de Musil. Mais l'essayisme de Montaigne me touche plus parce qu'il est français et que, au fond, j'ai envie d'être français. Il y a un désir d'être français, en particulier le même désir chez Montaigne. C'est-à-dire que, pour Montaigne, écrire français, en français, dans un style français, dans une forme française. Et il le dit plusieurs fois, il dit « Certains de mes premiers essais puent l'étranger ». Bon, il a toujours un langage assez fort. Il pue le latin qui l'imprègne énormément, ou bien le gascon qui est si proche de lui. Et il cherche un mode français. Et parler français, c'est parler franc, tout simplement. Qui est, pour la plupart de lui, dicté. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'est pas écrit. Jean-Yves Pouilloux. Au sens où nous pensons écriture, mais c'est un texte qui est parlé. Logique de la signification dépend toujours de la phrase suivante, de la phrase à venir, et non pas de la phrase précédente. Je crois que ça, il faut vraiment se mettre dans l'esprit que quand on comprend pas une phrase, après, ou deux phrases après, nous donnera la solution. J'ai fait l'expérience d'en lire des passages à haute voix, c'est extrêmement efficace et parlant, c'est-à-dire que des textes qui sont faciles. Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. C'est splendide. Chapitre 8. De l'oisiveté. Dernièrement que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer un repos et à part. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté et s'arrêter et se rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il peut à présent faire plus aisément, devenu avec le temps, mais je trouve qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même qu'il ne prenait pour autrui. Et de monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pourront contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Est-ce que vous diriez de Montaigne qu'il est plus philosophe qu'écrivain ? Les deux, écrivain et philosophe, est profondément étranger à Montaigne, je crois. En partie parce qu'au XVIe siècle, je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle division des tâches, sauf du point de vue strictement universitaire, bien entendu. Bernard Sèvres. Et parce que, proprement, Montaigne a découvert un jour qu'il faisait de la philosophie sans l'avoir vraiment cherché. C'est la fameuse phrase « philosophe imprémédité et fort », mais il est indissolublement philosophe et écrivain. Alors, il lit de la philosophie, déjà. Oui, bien sûr. Il en lit beaucoup, plus qu'on ne pensait, d'ailleurs. Plus les études savantes progressent, qu'il a lu de plus près qu'on a cru longtemps, Platon, Aristote, des philosophes de la Renaissance, etc. Alors, il ne lit pas seulement la philosophie, la notion philosophique. Il s'empare de ce qu'on pourrait dire des concepts philosophiques. Il s'en empare, tout à fait, l'expression est très juste, mais il s'en empare à sa manière, d'un volte, quand ça lui chante, pour ainsi dire, mais en même temps, quand il attrape quelque chose, il ne le lâche pas. C'est-à-dire que lorsqu'il attrape une notion, qu'il la creuse, qu'il... mais évidemment sans aucune volonté systématique, bien sûr. Alors on retrouve évidemment ces notions d'expérience, de nature, d'ordre du monde, mais il y a une particulièrement penchée, c'est celle d'esprit. Oui, c'est un mot qui revient très souvent sous sa plume, et l'esprit chez Montaigne est une puissance fondamentalement un peu différente tout de même, et qui est antérieure à l'entendement. Il y a une phrase tout à fait étonnante quand il parle des sorcières dans le chapitre des boiteux, livre 3, chapitre 11, version très en vogue au XVIe siècle, considérant à croire que les sorcières étaient le jouet du diable, et Montaigne dit qu'il pense plutôt que leur esprit, des sorcières, a attrapé leur... passion à la fois d'admiration, de fascination et de répulsion pour cet esprit qui est à la fois chaotique mais qui le fascine quand même. Tout à fait. D'abord, c'est des désordres de l'esprit. C'est ce qu'il rapporte dans le chapitre de l'oisiveté, le 8e du livre 1, où il explique qu'étant isolé chez lui parce qu'il avait démissionné de... Eh bien, il découvre que son esprit bat la campagne. Il découvre en lui-même les puissances dangereuses de l'esprit. Il le compare à ce fameux cheval. Oui, il le compare à un cheval échappé, au cheval bien réel, qui, quelques années auparavant, avait mis Montaigne à bas, il avait laissé pour mort, pour ainsi dire, puisqu'on a cru pendant 2 heures que Montaigne était mort, il rapporte ça. Et donc Montaigne compare son esprit à un cheval échappé qui fait n'importe quoi. Donc c'est inquiétant, l'esprit. Et en même temps, Montaigne le dit très bien dans le livre 3, l'esprit est créateur, l'esprit ne s'arrête jamais, l'esprit veut toujours aller plus loin, et de ce point de vue-là, il a une puissance de création, une puissance poétique, et une puissance de liberté, de l'ambiguïté de l'esprit. Bon, c'est vrai, il me semble que Montaigne, dans les images même qu'il prend pour décrire ses idées, il y a une adresse. Cette gaieté, c'est la vitalité même de l'activité mentale. Pierre Paché. Et en effet, même si y a quelque chose en moi, des préoccupations, une sorte de lourdeur de la conscience, du corps, de la mortalité, de ce qui est limité, c'est cette allégresse volontaire, disons, c'est pas un désir d'allégresse, c'est un vrai plaisir. Qui est presque aussi le plaisir du jeu, le plaisir de l'exercice, de ce qu'il appelle l'exercitation, pour lui le fait de monter à cheval, que de se livrer à toutes sortes d'activités, et il y a un plaisir de l'activité mentale. Alors vous avez ces ajouts de ce commentaire infini, là où certains y voient une posture uniquement d'écrivain ou de style, vous le rattachez véritablement à sa philosophie qui est en éveil. En mouvement. Descartes, le grand métaphysicien qui, d'une certaine manière, va répondre à Montaigne 50 ans après, pensait qu'on pouvait se réveiller une bonne fois pour toutes. Et ensuite, et il faut travailler, bien entendu, mais il faut travailler à l'accroissement des sciences. Montaigne n'a pas du tout cet optimisme ou cette naïveté géniale. Montaigne pense qu'on se rendort sans cesse. Et que probablement l'illusion la plus dangereuse. Voilà pourquoi Montaigne est sans cesse, j'ai repris l'expression à Jean-Yves Pouilloux, Montaigne est sans cesse dans l'éveil de la pensée. Et toutes les retouches du texte que vous évoquiez dans votre question, toutes ces retouches sont autant de manières de réveiller l'esprit ou la pensée, de réveiller l'attention, en sachant que ce ne sera jamais pour toujours. Comme Montaigne, on met au centre de son activité d'auteur, l'instabilité mentale, l'instabilité à se tenir à un propos, à mettre de l'ordre dans ses idées. À ce moment-là, le papier est un recours. Et non seulement le papier, mais quelque chose qui est peut-être pour moi encore plus important que la feuille de papier, c'est le cahier. Le cahier, étymologiquement, c'est juste on plie une feuille de papier en quatre. Et alors, la différence entre le cahier et les feuilles, c'est que, précisément, il y a un début de rassemblement. C'est le rassemblement de l'éternel moment à tel moment, tel autre moment, ne se trouve pas dispersé sur des feuilles volantes, sur des feuilles dispersées, mais se trouve rassemblé sous une couverture, soit des liens. Comme dit Montaigne dans une formule absolument magnifique, il dit que ses pensées se regardent mais d'une vue oblique. Et l'oblique ne peut être donné que par la collection de feuilles qu'est le cahier. Chapitre 24. De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue. Je loge chez moi en une tour, où à la Diane et à la retraite, une fort grosse cloche sonne tous les jours l'Ave Maria. Ce tintamarre est au premier jour me semblant insupportable. En peu de temps, m'apprivoise de manière que je l'entends sans offense et souvent sans m'en éveiller. De vrai, parce que nous les avalons avec le lait de notre nez présente, en cet état à notre première vue, il semble que nous soyons nés à la condition de suivre ce train. Et les communes imaginations que nous trouvons dues en notre âme par la semence de nos pères, il semble que ce soit les générales et naturelles, par où il advient que ce qui est hors des gonds de la raison, Dieu sait combien déraisonnablement le plus souvent. Chacun en fait ainsi, d'autant que l'usage nous... Nous faisons tous comme ça. La société vit de ça. Les échanges sociaux vivent de mensonges. Jean-Yves Pouilloux. Et Montaigne se rend compte du piège dans lequel les usages sont enfermés, se rend compte de se fermer lui-même, et il essaie de réagir le plus vigoureusement possible à ces pièges. J'en donne un exemple. Les cannibales. C'est épouvantable, les cannibales, la chair humaine. Ils connaissent pas Jésus-Christ, enfin, toutes les choses qu'on a dites contre eux. Bon. Et Montaigne va chercher, dans la conduite des chrétiens, pendant de conduites qui sont largement aussi agressives, aussi, disons, meurtrières, et aussi anthropophagiques que celles des cannibales, ceux qui font ça en Occident connaissent, eux, les évangiles. C'est-à-dire qu'ils ont double péché, si je peux dire. Ouais, ça, c'est une manière de faire apparaître, c'est-à-dire, en fait, d'être inconvenant par rapport à la coutume. C'est du côté de l'anthropologie qu'il faut interpréter ces textes, et d'une anthropologie qui, pour Montaigne, est liée au scepticisme. Nous n'avons l'humanité. L'homme, je reprends la formule à Marcel Conche, que cite d'ailleurs Lévi-Strauss dans Histoire de Lynx, l'homme est, pour Montaigne, sans définition. La métaphysique, Aristote, plus tard Descartes, penseront pouvoir, non pas ce que c'est l'être humain. Et à preuve, les récits du Nouveau Monde, où les femmes sont nues, par exemple, et considèrent qu'il est intolérable, enfin dans la civilisation amérindienne, mais dans le Brésil actuel, les femmes sont nues et n'admettent pas qu'on les oblige à s'habiller. Bon, ce seul fait, la nudité est un thème très important dans les essais de Montaigne, se penser toutes sortes de notions essentielles de la vie collective, des mœurs, de ce qu'on croit être, la définition de l'humanité. Et donc, cet temps que nous apporte le Nouveau Monde vient nourrir le scepticisme de Montaigne et vient l'amener à une très grande prudence et nourrit sa tolérance, assez exceptionnelle en son siècle, à savoir, nous ne savons pas ce que c'est que l'humanité à l'admettre, tirons-en les conséquences éthiques, politiques et pratiques. Montaigne, quoique sceptique, est parfaitement capable d'énoncer des jugements parfaitement céleris contre la torture, contre l'intolérance religieuse, contre l'oppression portant sur les femmes, contre les préjugés en général et certains fortement, tout particulièrement. Et donc, le scepticisme de Montaigne n'est qu'une sorte de toile de fond, présente, c'est vrai, mais sur laquelle se détachent des pensées éclatantes, des textes éblouis, qui en eux-mêmes n'ont rien de sceptique, ils sont tout au-delà, très au-delà du scepticisme un peu grisâtre qui existe par ailleurs dans la culture occidentale. Et quand personne ne me lit, de m'être occupé tant d'heures oisives à penser si utile et agréable, moulant sur moi cette figure, ils m'ont posé, pour m'extraire, que le patron s'en est affermi, et quelque peu formé soi-même, me peignant pour autrui, couleur plus nette, que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. Marielle Massé, vous avez vous-même écrit un essai où vous essayez de refaire un peu l'histoire de et vous vous appesantissez notamment sur notre XXe siècle qui a été riche en redéfinition, réappropriation de ce genre. Est-ce qu'on pourrait dire des héritiers de Montaigne ? Oui, à condition de mesurer probablement l'écart très très grand qu'il y a entre le projet de Montaigne, situation de ce que nous maintenant on appellerait la littérature, par rapport à la pensée. Donc les héritiers de Montaigne sont sans doute ceux qui n'ont pas son projet, mais ce qui correspond dans notre situation actuelle à ce projet conjoint d'existence, de réflexion et de stylisation. Ce ne sont pas forcément les gens qui se réclament de lui, qui, à mes yeux, sont ceux qui occupent une place peut-être comparable à la sienne. Alors pour le XXe siècle, en tant qu'héritier de Montaigne, et c'est très juste, il y a une façon de considérer la culture comme ressource, comme une ressource profonde dans une pratique de la citation, du voyage. Et Gide a écrit des essais sur Montaigne où il s'appropriait véritablement la figure de Montaigne en se désignant comme son fils essentiel. Et moi qui... En apparence, n'a absolument rien à voir avec Montaigne, qui est Sartre, mais qui montre bien combien les conditions de la pensée et de l'écrit qu'il fallait être au XXe siècle pour se tenir sur ce bord dangereux qui sépare la littérature désormais de la philosophie. Alors il y a un très bel essai de Sartre où je tout à fait inattendu les qualités... Enfin, qui moi me touche essentiellement dans le texte de Montaigne, qui sont des qualités d'ouverture à vous altérer. On n'attend pas tellement ça de Sartre, d'ailleurs, cette ouverture à une expérience réelle. Et cet essai s'appelle « Venise de ma fenêtre ». Alors, pourquoi ne pas le comparer à Montaigne dans sa tour ? On voit Sartre à son balcon, dans un hôtel vénitien, observer la singularité d'un paysage qui n'est pas sans horizon, un paysage fait de reflets, qui ne lui offre pas de projet, de course. Mais Sartre essaye, cette fois, de se redisposer face à cette nouveauté de l'expérience, de beaucoup plus proche et qui, lui, me semble avoir vraiment recueilli et continué à recueillir la grande attention de Montaigne à la pratique. On pourrait parler de Pierre Pachet. Alors d'abord parce que c'est un essayiste, c'est quelqu'un qui écrit par essai. Ce n'est pas un romancier qui se serait dévoyé dans la réflexion, mais c'est qu'il vire des idées à partir d'expériences quotidiennes et énigmatiques. Il s'interroge sur la force qu'il faut pour s'endormir, ou sur ce que tel ou tel petit geste de la vie quotidienne, prendre un bain, s'enfermer dans sa voiture, fumer une cigarette. Donc là encore, on est très très loin, bien évidemment, du matériau, des essais, engagement presque physique qui consiste pour l'essayiste à trouver sa posture, à se disposer au milieu des choses. Quoi ? N'avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la pulsion. Il arrive que le livre soit posé sur la table, c'est assez fréquent même quand je travaille Montaigne dans un esprit, disons, universitaire, rédaction d'un article ou librement, et rarement sur la table, je suis plutôt allongé avec le livre dans les mains. Et je le lis, pas en feuilletant, non, je prends un chapitre que je relis. Mais avez-vous su méditer et manier votre vie ? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Vous avez fait plus que celui qui a pris des empires et des villes. Ce qui est particulier dans cette lecture, c'est que je cherche un passage, et si je le suis capté, et je peux lire des pages et des pages. C'est une lecture à laquelle je recours presque par accident, pour prendre un mot. Avez-vous su composer vos mœurs ? Vous avez bien plus fait que celui qui a composé des livres. C'est vivre à propos. Je vous dis, je dois avoir je ne sais pas combien de dossiers où j'ai recopié. J'ai recopié des phrases et des pages de Montaigne, en reprenant tout ça, parce que au bout d'un moment, il faut en jeter. Il y a des passages que j'ai recopiés 5, 6, 7 fois. Et j'avais oublié au bout de 20 ans ou 30 ans que j'avais recopié ces pages. J'ai l'impression qu'en les recopiant, je m'approche plus intimement de son travail mental. avec Marielle Massé, Michel Magnien, Pierre Paché, Jean-Yves Pouilloux et Bernard Sève, tenu par Michel Piccoli. Remerciements à Daniel Ménager. Archive INA, Martine Auger. Sarre. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Pascal Raillet. Une œuvre, s'il vous manque le début de notre émission ou que vous souhaitez la réentendre, eh bien sachez qu'elle est disponible sur notre site, à la fois en réécoute et aussi en téléchargement pendant une semaine. Une semaine qui nous de la poétesse grecque Sappho. Très bonne matinée à l'écoute de France Culture. Vous écoutez France Culture, il est 11h. À 11h sur France Culture, et bien ces questions d'époque proposées par Caroline Brouet. Bonjour à tous. International au programme de ce jeudi 16 octobre, c'est la Société des Nations, une émission de Madeleine Moukama Banou. Bonjour à tous. Au sommaire de la Société des Nations, Bureau d'Engin pour sa chronique hebdomadaire, Philippe qui nous parlera d'une réflexion du philosophe espagnol Daniel Innerarity, pour qui nous sommes entrés dans un monde où la science est partout, mais souvent impuissante à réduire les zones d'incertaine connaissance. Tout à l'heure donc à 12h05. Mais tout de suite Madeleine, le dossier. Aujourd'hui la crise encore et toujours, la crise et ses effets surtout dans les pays émergents et dans les pays en voie de développement. Pendant quelques mois, on nous a dit que la crise était limitée aux États-Unis, peut-être à l'Europe, et que ces pays-là ne seront pas touchés. Maintenant, ils sont apparemment touchés, mais comment ça, on ne le sait pas encore. L'impact de cette crise sur le secteur financier, mais surtout sur l'économie réelle de ces pays, avec un éclairage particulier sur les deux géants d'Asie, l'Inde et la Chine. Nous parlons notamment ceux d'Afrique et d'Amérique latine, qui sont à l'abri des spéculations financières, certes, mais dont la croissance risque de pâtir de la récession si elle continue à se prolonger. Nous reviendrons à la thématique de notre émission en évoquant les répercussions géopolitiques de cette crise. Certains analystes annoncent une redistribution de cartes sur la scène internationale. L'invité Jean-Raphaël Chaponnière estime, et je le cite, que la crise va accélérer le glissement du centre du monde vers l'Asie, et d'autres vous disent que c'est la fin de la puissance américaine. Au côté de Jean-Raphaël Chaponnière, vous avez également deux autres invités, Madeleine. Oui, d'abord Jean-Raphaël Chaponnière est économiste à l'Agence française des pays émergents. Marie-Françoise Renard, professeure et doyenne de la faculté d'économie et de gestion à l'Université d'Auvergne. Elle est aussi responsable de l'Institut de recherche sur le Jean-Joseph Boileau, conseiller au club CPI. C'est le centre d'études prospectives et d'information internationale. Il est aussi cofondateur de Euro India, Economic and Business Book, de nombreux ouvrages d'économie, dont L'économie de l'Inde, paru aux éditions La Découverte il y a 2 ans. Jean-Joseph Boileau, la crise, on l'a vu ce matin, les places boursières de la plupart des pays, même en Europe ou comme aux États-Unis. Et en même temps, pendant des mois, on a entendu des chercheurs nous dire que les économies des pays émergents, notamment, pouvaient se développer de manière à ne toucher que d'une façon très superficielle. Alors réellement, qu'est-ce qui se passe dans le monde, en dehors de celui que nous connaissons? Alors vous parlez de la crise boursière, hein, oui. Il faut bien dire ça. Comme par hasard, c'est toujours là-dessus que les gens mettent l'accent. Et puis tout d'un coup, après une remontée de 15% des places boursières en 2 séances, elles replongent vers le bas parce qu'on a... Moi, ça m'a...